Chapitre 202. La Sunna avant et après le Isha. On peut citer dans ce chapitre le hadith numéro 1098 précédent d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui rapporte avoir accompli deux unités de prière après le Isha avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et celui numéro 1099 de Abdullah ibn Muraffal, selon lequel le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a affirmé « Entre chaque adhan, le premier appel à la prière, et l'iqama, le deuxième appel, il y a une prière facultative. » Al-Bukhari et Muslim.